avait d'un duo français. Ça, tu calmes. Déjà? Looking for the core. Thank you. sur ta chevelure profonde, aux acres parfums. Nothing to fear, nothing to doubt. Mer odorant, tu vagues. Wow. Oula. Que passa? Il y a eu un problème, le batteur, il s'est cassé la gueule dans la batterie. Trop de réverb, tu la réverb. C'est pas mal ça. Si beau. Ça, c'est joli ça en fait. Attention, Sophia gonna find the French over. Que j'aime voir sur de l'onde de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille. Pour un ciel lointain, tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait. Benji, gonna give you a punch train for workload. Oh putain, mais je suis pas aussi bon que toi en anglais, moi je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi un punch? Ou un café? Parle avec l'accent. Ah bon? Avec l'accent auvergnat. Je suis auvergnat moi, je suis auvergnat de toute façon. Que j'aime boire, chère indolente. Non mais c'est joli ça en fait. Merde, c'est pas bon. Restez à FX.